on s'appuie, toi, sur mon triste sort. Je me sens un peu plus fort. Je me sens si bien. Je me sens si bien.